Chapitre 2e. Le parquet a confié l'enquête à la gendarmerie qui a bien eu mal à la démarrer. L'amant qui possède un petit bésodrome à Navas n'a pas été mis en examen. Il aimait sérieusement Colette pour tout le plaisir qu'elle lui donnait et c'était bien réciproque. Il n'aurait pas supprimé le miel de ses jours. Quant à Julien, le mari plombier, il était placé en garde à vue. Justement, le jour du meurtre, il a travaillé jusqu'à 5 heures chez Madame Castagnier à Montardier même, à 1 kilomètre du lieu du meurtre. Puis, éclusage de jaune, comme d'hab, au bar des sports. D'autre part, seules ses empreintes ont été relevées sur la clé à griffe qui lui appartenait, bien évidemment. Ses réponses à l'interrogatoire ont été confuses et n'ont pu lever les soupçons qui pèsent sur lui. « Monsieur Mahade, vous saviez que votre femme vous trompait ?»« Oui, enfin, plus ou moins. Je m'en doutais. » Mais de mon côté, il m'arrive de faire de temps en temps des petits dépannages. Si vous voyez ce que je veux dire, alors. Madame Castagnier affirme que vous êtes plusieurs fois sortie de chez elle pour aller chercher des pièces dans votre véhicule. Une fois, vous avez dû rester plus longtemps et vous avez rattrapé votre épouse sur la route de Navas. Mais non, je n'ai pas bougé de chez la vieille. Pourquoi voulez-vous que je sois allée à Navas? J'avais rien à y foutre. Aucun témoin ne peut affirmer que vous n'avez pas déplacé votre véhicule. Ouais. Aucun témoin non plus n'a vu ma voiture, là où vous dites. Alors, c'est des suppositions, tout ça. Et les empreintes sur la clé à griffe, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bah c'est forcé qu'il y ait mes empreintes dessus, surtout mes outils à mes empreintes, cette belle affaire. Oui, mais pourquoi se trouvait-elle justement dans la voiture de votre femme? Parce que l'autre jour, j'ai dû aller chez Dédé lui débloquer une vanne, et ma camionnette n'a pas démarré. Alors j'ai pris la voiture de ma femme, et j'ai oublié la clé dedans. Enfin, franchement... Vous croyez que j'aurais été assez con pour laisser l'arme du crime avec mes empreintes dessus, avec le sang dessus? Pendant que j'y étais, j'aurais dû la garder dans la main et attendre que vous veniez me cueillir. Vous êtes galus, vous autres. Doucement, monsieur Mahade, ce n'est pas fini. Dans votre boîte à outils, on a trouvé un feutre indélébile. Ouais, je m'en sers pour faire des repères sous les tuyaux. C'est plus pratique parce que ça part pas à l'eau. Le crayon, c'est pas bon. Et comme s'il avait ouvert la boîte de Pandore, le juge glisse doucement sous le nez de Julien un petit tampon en caoutchouc muni d'un petit manche de bois. On peut y reconnaître le fatal serpent. Et ça, monsieur Mahade, vous pouvez me l'expliquer. C'était aussi dans votre boîte à outils. Qu'est-ce que ça venait y faire? Mais j'en sais rien, moi, hurle Julien. Je n'ai jamais vu ce machin. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec un truc pareil? Bon, calmez-vous. Vous ne voyez pas quelqu'un qui vous en veut et qui aurait pu tout manigancer pour vous faire accuser? Mahade baisse la tête, accablé. Non, je n'ai jamais fait de mal à personne, et je n'ai que des amis ici. Je comprends pas, je comprends pas. Ah, si au moins on arrive à trouver l'auteur du billet, ça nous mettra sur une piste. Gigi et Sylvia ont bien essayé de cuisiner Mahade, mais sans succès. En tout cas, son écriture n'est pas du tout la même que celle de la lettre. Mahade forme de grandes lettres larges, tout en rondeur, et ses mots ressemblent à des ressorts qu'on aurait tirés alors que l'écriture du billet est penchée, régulière, bien formée, dénotant une personne d'un certain âge ayant du caractère. Ce matin, Fréjol vient nous rendre en visite. Il faut reconnaître qu'il apprécie notre compagnie, enfin surtout celle de nos épouses. Ce qui lui plaît chez elle, c'est autant leur courbe que la façon dont elle parle qui le ravit réellement. « Vous ne devez pas vous ennuyer avec elle, reconnaît-il. » Nous nous mettons tous les trois un peu à l'écart, voulant nous révéler confidentiellement certains détails de l'enquête. « Alors, Louis, où tu en es ?»« La salope a parlé, » fait-il en souriant. Le S est en fait un tampon représentant un cobra que le meurtrier a appliqué sur la peau de la cuisse, puis il a écrit le reste « alope » avec un feutre noir. Et le tampon, on l'a trouvé dans la boîte à outils du mari. Me disait bien aussi que pour dessiner un serpent aussi bien, il aurait fallu du temps. « Oui, mais le temps, c'est pas ce qui lui a manqué. Vous avez bien vu qu'il passe une bagnole toutes les heures sur ce plateau, et encore. » Si vous étiez pauvre venu, on ne l'aurait peut-être trouvé que le lendemain. Et qui prouve que c'est le meurtrier qui lui a fait ce dessin, elle l'avait peut-être avant. C'est peut-être son amant qui s'est amusé à la tatouer. J'ai pensé, Macarel. Je lui ai dit qu'on avait trouvé sur le corps de sa maîtresse un signe bien reconnaissable, et je lui ai demandé s'il voyait de quoi je voulais parler. Elle a un grain de beauté sur le sein gauche. C'est pas ça, je lui ai dit. Alors je vois pas, qu'il m'a répondu. « Il avait l'air sincère, ce gars, remarque Serge, mais ça ne prouve rien. Il aurait très bien pu maquiller son crime pour en accuser le mari. »« Il est suffisamment dans la mouise avec cette affaire. Sa femme m'a demandé le divorce, mais il est possible aussi qu'une inscription ait pu être faite par quelqu'un qui passait après l'assassin. »« C'est dommage, me fait Louis en me tendant une photo sortie de sa chemise. J'observe attentivement la photo. Le dessin du cobra est entouré de quatre traces d'encre devant correspondre aux quatre coins du tampon. Quant aux lettres Alope, elles sont proportionnelles à la taille du serpent, bien formées sans hésitation. Ce serait intéressant de comparer avec l'écriture du billet, mais c'est toi qui me l'as pris. Tiens, me fait Louis en me tendant la lettre, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et tous trois, penchés sur la table, nous étudions les deux documents. Alors les Marseillais, conclusion? C'est la même main qui a tracé le billet et le mot tatoué. Regarde, la même manière de faire les L sans boucle, dis-je. Et l'épée avec une boucle, comme en script, précise Serge. Donnez-moi ça, dit Sylvia. J'ai fait une maîtrise de psycho et un stage de graphologie en formation continue. Je vais vous dire ce que je peux en déduire. Elle s'assoit et pose le billet sur la table, au soleil. D'abord, c'est une personne d'un certain âge. Les jeunes n'écrivent plus penchés, sauf exception. Disons la quarantaine, au moins. Bonne orthographe, donc, des connaissances. C'est une écriture régulière, bien formée. Quelqu'un en pleine possession de ses moyens physiques. L'écriture est petite. Quelqu'un de discret, un peu introverti. Mais la signature avec le tampon nous montre une inclination vers leur secret, le monde de l'enfance, la bande dessinée. C'est un peu en contradiction avec le reste, comme si la personne était mal dans sa peau ou voulait en sortir. En revanche, je suis incapable de dire si c'est un homme ou une femme. « Eh ben, tu nous avais caché ses talents, » dis-je. « Ouais, ma carrelle, c'est sûr, c'est la même écriture, » conclut Fréjol. « Eh ben maintenant, on est fixé. Si on trouve l'écrivain, on trouve l'assassin. Parce que je reste convaincu que le mari est innocent. Je le vois mal, le connaissant, écrire un billet, organiser un jeu de piste macabre, utiliser un tampon de gamin. C'est trop complexe pour lui, il préfère le pastis. Imagine, fait Serge, que ce soit quelqu'un qui épie un fou et qui suit tous ses gestes. Il a attendu que ce barjot intervienne, et quand il a senti qu'il allait passer à l'acte, il nous a prévenus, en espérant qu'on le chope ou qu'on l'empêche d'agir. Bon Dieu, vous regardez trop de feuilletons à Marseille. Au départ, il faut raisonner simplement, de façon pragmatique, et après, s'il le faut, on complique les choses. On les complexifie, tu veux dire, Louis. Tu nous fatigues, Gino, c'est la même chose. Non, compliquer une chose, ce n'est jamais nécessaire, tandis que complexifier... C'est affiner l'analyse pour être au plus près de la vérité. Tu comprends, Louis ? Fan de pied, avec l'âge, tu ne t'arranges pas. Tu te pinailles encore comme à 20 ans. Tu es en vacances, ne te fatigue pas trop. Au fait, sur le billet, il n'y avait aucune empreinte, à part les vôtres, bien sûr. De toute évidence, l'écrivain est intelligent. Ouais, ça doit être un méthodique. Un ou une, va savoir. Et qu'est-ce que l'enquête a donné autour de la bagnole et à l'intérieur ? Rien. Autour, la terre est recouverte d'herbes sèches qui ne donnent aucune trace. Sur la Renault 16, les traces papillaires relevées sont celles de la victime et celles du mari uniquement. Non, c'est sûr, il s'agit d'un meurtre avec préméditation. L'assassin avait dû mettre des gants. À ton avis, il était déjà dans la voiture ou bien il a arrêté Colette? D'après son amant de Navas, Colette est partie seule du village. Si elle a chargé quelqu'un après, et si ce quelqu'un l'avait frappé, le coup aurait été porté sur la droite du crâne. Or, il est à gauche. Je pense qu'elle s'est arrêtée, puisque la voiture était bien garée. Elle devait avoir la vitre ouverte, vu la chaleur, et l'assassin l'a frappée, peut-être en tenant l'outil comme un pieu, à deux mains, un coup vers l'avant et pas de haut en bas. Il a dû y aller de bon cœur. La conversation tombe, chacun essayant mentalement de visualiser la scène. Tout à coup, Fréjol se lève et scrute la façade. « Punaise, il y a un volet qui est en train de se barrer, là. Je vais vous envoyer le père Michel pour réparer ça. » Vous allez voir, c'est un type qui vole des placements. Surtout, ne le traitez pas comme un ouvrier, mais plutôt comme un ami qui vient donner un coup de main. Il a sa fierté. Dick ou Yosti, tu oublies qu'on est tous les deux des fils d'ouvriers? Allez, va-t'en, parce que tu ne racontes que des conneries. Là-dessus, je pars d'un grand éclat de rire et tape sur l'épaule de Louis. Vers 5 heures de l'après-midi, un être déboule devant la maison, juché sur une antique mobilette, tractant une petite remorque en planche montée sur 2 roues de bicyclette. « Salut, » fait-il sans cérémonie. « C'est moi, Michel. Je viens réparer le volet. C'est Louis qui m'envoie. » Michel est un mec d'une 60aine d'années. Vigoureux, les cheveux drus et blancs, taillés au ras du crâne, les yeux délavés, froids et peu mobiles. Attablés tous les 5 pour une partie de tarot, nous nous levons pour lui serrer chaque pince, ce qu'il a l'air d'apprécier, visiblement. « On peut vous donner un coup de main, si vous voulez. Non, non, ne vous dérangez pas, je connais la maison. » Là-dessus, il pénètre dans une remise et en sort avec une échelle. Pendant ce temps, Ludo s'émerveille devant l'antique mobilette avec un réservoir gros comme un ballon de rugby. C'est aussi la première fois qu'il en voit une munie d'une remorque. Michel, qui l'a observé du coin de l'œil, lui fait « Ça te dirait de faire un tour dans la remorque ?»« Ah ouais ?» fait Ludo, aussi content que si on lui avait promis un tour en Ferrari. « Quand j'ai fini, je te fais essayer, » lui promet Michel. Notre partie finie, Serge et moi regardons travailler Michel en bricoleur averti que nous sommes. À un moment donné, je le vois remuer les bras autour de lui en regardant ses poches. Je sais ce qu'il cherche et saisissant une clé de 14 dans la remorque, je la lui passe sur son échelle. « Ah, merci, c'est sympa. C'est justement ce que je cherchais. Comment vous l'avez deviné ?» Je sens que j'ai encore marqué un point pour le rapprochement social et régional. Mais il ne faut rien exagérer, comme je l'ai dit à Louis, c'est tout de même pas le choc des cultures. Vers 7 heures, après un moulon d'aller et venu sur son échelle, Michel plie son matos. « Vous prenez l'apéro avec nous, Michel ?»« Ah, c'est pas de refus, mais avant j'ai promis un tour au petit. Allez, grimpe petit et tiens-toi bien. » Ludo est aussi ravi que si on lui avait décroché la lune. Dès le départ, il rit aux éclats. Ils reviennent au bout d'une dizaine de minutes. Ludo descend de son char aussi fier que Ben Hur. « Punaise, tonton, c'est super. Vous devriez en acheter une avec papa. » Le cérémonial de l'apéro est alors enclenché. Cacahuètes, olives et tout. 51, Casa, JB. Michel préfère le 51. Une fois les verres remplis, les glaçons distribués, les femmes assises, on commence à savourer un moment de bonheur. Personne ne dit à Michel ce que nous faisons dans la vie, mais nous lui racontons mon amitié solide et fidèle avec Louis. Moi, je ne suis pas d'ici, nous avons Michel. On avait remarqué, oui, lui fait Paula en souriant. Apparemment, le charme de ma belle-mère le laisse de marbre. Il passe outre et commence à nous raconter son histoire. « Je suis d'Aubourdin, près de Lille. J'avais une exploitation agricole que je réussissais à maintenir à flot avec mon frère. Un jour, ma femme s'est barrée avec le boulanger qui nous livrait le pain, la salope. » À ce qualificatif, nous réagissons, Serge et moi, comme sous l'effet d'une piqûre. Nous ne mouvetons pas et le laissons continuer. Quelque temps après, mon frère est mort d'un arrêt du cœur en rentrant de la braderie, beurré comme un petit lu. Un beau matin, mon fils, qui ne faisait déjà pas grand-chose, m'a laissé sur la table un petit mot. « Je me barre en Amérique. » Depuis, j'ai jamais eu de nouvelles de lui. Il doit zoner quelque part dans Paris. Alors un jour, j'étais voir mon notaire à Lille, rue Nationale. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire de cette ferme, vu que tout seul, je pouvais plus la travailler. Il y avait justement un promoteur qui cherchait un terrain autour du village pour construire un lotissement. J'ai tout bazardé et je suis descendu droit vers le sud. J'ai atterri en Aveyron, où j'ai trouvé une place dans une communauté de bargeaux sur le Larzac. On partageait tout, les lits, les filles, le pognon, les fringues, enfin tout, quoi. Mais je m'étais mis avec une femme qui avait un peu souffert et ça aurait pu coller, nous deux. Mais dès que j'étais pas là, elle se faisait monter par n'importe qui. Il n'y a que le chien qui lui soit pas passé dessus. Et encore, toutes des salopes, elles ont le vice dans le sang. De nouveau, échange de regard avec Serge. Les trois femmes sont un peu mal à l'aise. Je le sens, mais elles n'en laissent rien paraître. Michel continue. Résultat, j'avais plus une thune, ces enfoirés m'avaient tout lessivé, et j'étais cornu comme un cerf des Ardennes. Alors je suis venu ici, je vis de petits boulots, je répare chez les vieilles, je fais les commissions, les châtaignes, la chasse, un peu le bois, je ramasse les patates, les oignons à la saison. Enfin, je m'occupe, quoi. J'habite au-dessus d'Aulas, un village paumé dans la montagne, dans une maison abandonnée. Quand je peux, je la retape pour ne pas qu'il me pleuve sur la tronche. Enfin, c'est la vie. « Allez, à la bonne vôtre !»« T'as terminé ton boulot ?» lui fais-je en testant le tutoiement. « Non, pas vraiment. Il faudra que je revienne. Mais si tu pars, laisse-moi la clé sous la pierre à côté de la porte. » Eh ben voilà, le courant est passé. Michel est sympa et j'ai honte de dire qu'au départ, mon intérêt pour lui était motivé par le besoin d'information. Finalement, Michel reste avec nous manger les pâtes. Bien que bourru, il est vite à l'aise. L'arzac oblige et à la fin du repas, tout le monde se tutoie. Nous sommes devenus copains comme cochons. Serge et moi prenons Michel un peu à l'écart. Tu as vu cette histoire de femme assassinée il y a 3 jours à Navas? Celle-là, on peut dire qu'elle l'a bien cherchée, son coup sur la tête. Et comment tu sais qu'elle a pris un coup sur la coucourde? Bah, c'est son mari qui nous l'a raconté, tiens. Oh, c'est malheureux à dire, mais c'est pas une bien grande perte. Bah, quelle salope c'était. T'aimes pas les salopes, toi, hein? Déjà voix basse. Ah non, elles m'ont fait trop de mal. « Alors tu vis vraiment seul ?»« Bah oui. Pour le superflu, eh ben, je m'en passe. Tu sais, on s'habitue à tout. Attends, Michel, toutes les femmes ne sont quand même pas des salopes. Évidemment, ta femme et celle de Serge sont des filles bien, j'en suis sûr, mais tu vois, ta belle-mère, si j'étais son mec, je m'en méfierais de cette femme-là. Ça se voit dans l'œil, ça. Je ne peux quand même pas avouer à Michel qu'il a presque raison. Mais sa défiance à l'égard des femmes frise le cas pathologique, sans aller jusqu'à parler de psychose. Mais va savoir. Vers 10 heures du soir, nous le regardons partir sur la mob qui commence à pépéter après quelques coups de pédale. Le maigre faisceau du phare éclaire à peine le chemin. « Tu crois que tu vas y arriver ?» je lui crie. « T'inquiète pas mon gars, j'ai l'habitude. » Une fois le Michel parti, je prends Serge à part. « Alors, qu'est-ce que t'en penses du mec ?»« C'est un brave tic, mais t'as vu sa misogynie. Heureusement qu'on n'est pas l'enquête parce qu'il ferait un bon suspect. »« Trop évident. » »« N'empêche qu'il me fait de la peine. » Terminer sa vie ici et de cette façon. Il y a de quoi devenir mauvais, tu ne crois pas? Oh, Gary, ne mélange pas tout. C'est lui qui l'a bien voulu, non? Tu sais, souvent les gens roulent dans la pente la plus raide parce que c'est fatigant de résister au courant. Et après, il faudra les plaindre. Ne tombe pas toi aussi dans le panneau. Il mène la vie qu'il a voulu et basta. Il est dur, Serge. Oh, attends, ça a été facile pour toi? Tu crois que t'étais programmé pour devenir ce que tu es? Et moi, tu crois que j'étais pas mal barré au départ? « Allez, Gino, ne me joue pas du violon. C'est plus facile de plaindre les gens que de se bouger le cul. » Tu penses que sa misogynie aurait été jusqu'à dessouder une bonne femme à coups de clé à molette? En tout cas, il en a la force. Mais je le vois mal grimper avec sa mot pourrie jusqu'à Montardier. Ou alors, il a dû pédaler tout le long. Fait Serge, en se marrant. Je dois reconnaître qu'il a raison, comme souvent.